On va passer à l'intervention suivante. Donc Victor et Serge viennent nous parler de la commission prison par terre et ils viennent discuter de la fonction sociale de la prison. Ok, merci beaucoup. Bonjour à tous. Moi c'est Victor, mais il y a aussi Serge. Voilà. Voilà. Donc on fait partie de la commission prison par terre, qui a été monté il y a quelques semaines maintenant, qui se réunit tous les, deux fois par semaine, le lundi et le jeudi à 19h, et on va essayer de tenir une table aussi régulièrement pour parler de la prison. Donc là aujourd'hui en fait l'idée c'était de dire deux mots sur une question bien particulière qui est la fonction sociale de la prison, c'est-à-dire discuter en fait de ce que signifie la prison dans la société, et pas seulement des conditions carcérales qui sont dégueulasses et desquelles on pourra parler, l'idée c'est plus de se demander qu'est-ce que fait la prison dans la société et pourquoi elle existe encore alors que tout le monde s'accorde pour dire qu'elle ne fonctionne pas en fait. Ça fait 200 ans que la prison est la peine de référence. Et ça fait 200 ans que tout le monde constate qu'elle fonctionne pas, et ça fait 200 ans qu'elle reste. Du côté de la droite, on nous dit que elle est censée dissuader les gens de commettre des crimes, et en fait, on s'aperçoit que ça fonctionne pas, parce que il y a beaucoup de gens qui récidivent, beaucoup de gens qui en fait ne sont pas arrêtés par ça. On nous dit du côté de la gauche que le temps passé en prison, enfin de la gauche, du gouvernement en tout cas, que le temps passé en prison est censé faire que le prisonnier va réfléchir, va s'amender, va devenir meilleur pour la société. Et en fait, force est de constater qu'on commet toujours des délits et qu'en réalité, on fabrique des gens qui vont récidiver, qui vont être des délinquants, en fait. Donc du coup, on se demande un peu, nous, pourquoi il y a cette contradiction, pourquoi est-ce que cette institution qui est critiquée 100 fois, 1000 fois demeure. Si elle réussit pas à éviter les crimes, si elle réussit pas à faire que les gens s'amendent et se réinsèrent, comme ils disent, qu'est-ce qu'elle réussit? En fait, l'idée, c'est qu'elle réussit quand même quelque chose. Et ce quelque chose, eh ben, c'est juste une gestion de la population. Et une gestion d'une partie de la population, d'une partie de la société. Et en fait, du coup, ça nous semblait très important, dans le cadre du mouvement, qui est un mouvement de réflexion sur la société, d'intégrer cette dimension-là. Parce que c'est une dimension qui paraît assez cruciale. Aujourd'hui, il faut savoir que en France, il y a 250 000 personnes qui sont placées sous main de justice. Ça ne veut pas dire qu'elles sont emprisonnées. Ça, c'est 67, 68 000 qui sont en prison, mais 250 000 qui sont concernées directement par l'emprise de la justice, soit par la peine de prison, soit par des peines de contrôle autres, dont je parlerai un petit peu plus tard. C'est l'équivalent de la ville de Bordeaux. Il y a toute une ville qui est surveillée par le contrôle de l'État français. Du coup, on pourrait se demander qui va en prison. Il faut savoir qu'on enferme de plus en plus d'individus. En 6 ans, il y a eu 16% d'augmentation, 10 000 prisonniers de plus depuis les années 2000. Et puis, on n'enferme pas tout le monde. On n'enferme pas tout le monde de la même façon. Tout le monde dans la société n'est pas sujet aux peines de prison. Les personnes qu'on enferme, ce sont globalement des personnes plus pauvres, des personnes qui ont une tendance à ne pas se conformer et qui ont des parcours de vie, qu'on va dire, un peu spéciaux, quoi, un peu pas trop dans la norme. Et il s'agit de comprendre comment ça se passe, ça. En fait, ça peut s'expliquer par plusieurs choses. Ça peut s'expliquer par le fait que les juges, quand ils prennent leurs décisions, ils considèrent le parcours de vie de l'individu. On aura moins tendance à emprisonner quelqu'un qui a un travail, qui a une famille, qui a une situation stable, qu'à emprisonner quelqu'un qui n'a rien. Et ça, évidemment, ça crée une concentration de personnes dans les prisons qui n'ont rien. Et la seconde raison, c'est que quand on est en difficulté dans la société, on a beaucoup plus tendance à recourir à des types de délits que le code pénal ou le code civil vont sanctionner par de la prison. Il faut bien voir que tous les délits ne sont pas sanctionnés de la même manière. Et la délinquance financière, par exemple, n'est pas sanctionnée de la même manière que la délinquance, la petite délinquance du type trafic de drogue, vol, cambriolage, etc. Donc ça, c'est un élément assez important. Le niveau de diplôme des personnes incarcérées est évidemment plus faible que dans le reste de la société. 85% des personnes détenues ont un diplôme égal ou inférieur au CAP. évidemment dans la population c'est pas la même proportion, et de même si on prend les classes socio-professionnelles, il y a 62% d'ouvriers ou d'employés dans les prisons, quand dans la société c'est entre 45 et 50. Donc du coup on voit bien qu'il y a une vraie distinction, et on parle pas là des sans-emploi évidemment, qui sont bien plus représentés en prison que dans la société, même s'il y en a beaucoup dans la société aussi. Donc voilà, on dit que les lois s'appliquent de la même façon à tout le monde, c'est l'idée d'une universalité, et en fait dans les faits on s'aperçoit qu'elles s'appliquent pas exactement de la même façon à tout le monde. Et en réalité, ouais, ouais. Ah, je vous en prie. Entre parenthèses, moi qui suis citoyen lambda, et moi quand je suis condamné même à du sursis, j'ai pas droit à travailler dans certains domaines. Mais on a certains de nos hommes politiques qui sont condamnés pour des faits beaucoup plus graves, mais qui peuvent encore se présenter aux élections. Alors moi, quand on me parle d'égalité dans ce pays, je m'en pose des questions. Vous comprenez ? Merci. Je comprends tout à fait, et ça va dans le sens de ce que je dis, c'est-à-dire qu'effectivement, la prison, et c'est à ce à quoi je vais venir, c'est qu'au-delà de la peine de prison en elle-même, elle sert de disqualification, en fait, pour la suite. Et elle sert pas de disqualification de la même manière pour tout le monde. Effectivement, on a des gens qui sont condamnés, ils font rarement de la prison, les hommes politiques, et c'est tant mieux pour eux, à la limite. Enfin, moi, je souhaite la prison à personne, même à eux, quoi. Mais évidemment, eux, après, arrivent à se réinsérer dans la société, ce qui n'est pas le cas d'une personne qui fait de la prison. Ils ont une deuxième chance, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Voilà. Ouais. C'est sûr. Donc en fait, ouais. Évidemment. Ouais. C'est ça. Alors que c'est censé être ça. En fait, il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est que... Bon, il y a certaines personnes qui prennent en fait des peines plus dures, par exemple pour des trafics de drogue, des trucs comme ça, que pour des crimes sexuels. Est-ce que c'est normal, par exemple ? Enfin, c'est ma question. Ah, je peux pas dire si c'est normal ou pas, j'en sais rien. Moi, l'idée, c'est que effectivement, on constate que les peines sont pas les mêmes en fonction des types de délits qui sont commis. Moi, je vais pas vous dire que les crimes sexuels devraient être plus punis par des peines plus lourdes. Moi, je pense que les crimes, enfin les délits de type vol, etc., devraient être en fait moins punis que ce qu'ils sont, et que peut-être même que la prison, elle devrait pas servir pour ce genre de choses-là, et peut-être même qu'elle devrait servir pour rien du tout. Mais effectivement, il y a une disparité de peine entre des gens qui font du trafic, qui font des vols, des cambriolages et d'autres choses, mais à la limite, le problème, il est même pas là. Parce que si on dit ça, le truc, c'est qu'on risque de se retrouver à dire il faudrait mettre les violeurs en prison pendant des années et des années. Et moi, je pense que ça c'est pas du tout une solution, en fait. Ça servirait strictement à rien, et voilà. Mais je sais pas si je réponds... Mais moi, je pense que, par exemple, un violeur, il a quand même détruit une vie, on va dire un pédophile. Il a détruit quand même un gamin, quoi, peut-être ta vie. Un dealer, par exemple, bon, il n'est pas parti chercher le... Il détruit plein de vies, mais je veux dire, il va pas chercher le consommateur. Tandis que le criminel sexuel, lui, c'est un prédateur. Donc, enfin, je sais pas. Je pense que la question, c'est la question de la prison, parce que dans une société, il n'y a pas que des bisounours. Hein. Donc on sera dans une société où sans prison, il y aura toujours des gens qui seront prédateurs, qui auront envie de ce que le voisin a, etc. Et je pense que, en fait, c'est en amont qu'il faut voir. Pourquoi il y a autant de gens qui sont malades dans leur tête, qui sont malades dans leur peau. Et je pense que la prison là-dedans a rien à voir, bien au contraire, si ce n'est entretenir. Après, continues. Ce que je voulais passer aussi, c'est un élément essentiel de la prison. C'est notre culture judéo-chrétienne, et c'est la punition uniquement. Et on veut punir, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'en fout. S'il y a des milliers de prisonniers qui dorment par terre sur des matelas, ils s'en foutent totalement, parce que le rôle de la prison dans notre société dite moderne, eh bien c'est la punition. Et après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que la prison est un moyen moderne, c'est-à-dire ça n'existait pas dans les sociétés avant. Alors c'était peut-être plus terrible, mais il y avait l'exclusion, ou il y avait des peines physiques et corporelles. Mais la prison de la Bastille, par exemple, c'est un leurre. C'était des bourgeois qui devaient du fric, qui étaient là, et quand ils avaient fini, d'ailleurs ils étaient bien logés, etc. Donc c'est aujourd'hui, par contre, la prison, c'est, tu l'as dit toi, mais c'est simplement les pauvres, hein, c'est les prolétaires, c'est à 99%. Et dans les pauvres, bien entendu, c'est des exclus. Et c'est surtout ce rôle de punition qu'il faut absolument interroger, parce que de quel droit on peut punir quelqu'un? Surtout que, comme tu dis, il n'y a pas d'effet après. Hein. Est-ce que la prison est une solution pour les personnes qui commettent des délits? On se pose des questions. Est-ce que c'est une solution? Moi, je pense que ce n'est pas une solution. Supposons qu'on peut changer les choses. On peut changer les choses. Moi, je vous vole votre sac. Alors, on me punit à 4 mois. Et pendant 4 mois, je travaille dans cette société au lieu d'être enfermé. Parce que si je suis enfermé, je suis aussi... c'est monsieur qui paye pour moi, qui me nourrit, qui m'entretient. Oui, c'est ce que vous venez de dire. Oh, il est plus. Moi, je pense qu'il est. Pour moi, hein, ce serait encore mieux si pendant les 4 mois de ma condamnation, je travaillais et que je vous dédommageais. Vous comprenez? Tout en gardant ma liberté. Je crois que là, ce serait aussi une solution. Au lieu d'enfermer une personne, ce n'est pas la solution. Tous ceux qui ont été en prison récidivent. À 90% récidivent. Donc, ça veut dire que la prison, ce n'est pas la solution. C'est de trouver une solution intermédiaire. Juste sur la récidive, parce qu'on nous la vend comme si c'était la personne qui ne pouvait pas s'empêcher, hein, t'es voleur à vie, etc. Récidive, en fait, c'est le résultat de la prison, c'est-à-dire que tu mets quelqu'un qui n'aurait jamais volé, hein, tu le mets en expérience, par exemple, en prison, et bien il va faire ce qu'on appellera une récidive, c'est-à-dire que, d'abord, parce que quand on sort de prison, qu'est-ce qu'on vous donne comme paquet cadeau? Hein, rien, et vous vous retrouvez encore plus dans la merde, ce que tu disais toi, il n'y a même pas de deuxième chance ni rien. Vous voulez un boulot avec un casier, on n'en veut pas. Donc ça ne s'appelle pas de la récidive, ça s'appelle que la survie, elle repasse par la même case. Voilà. Oui, effectivement. Et pour moi, ce que je voulais vous dire, madame, pour moi, il y a deux types de délits. Les délits contre les choses, contre la propriété, et les délits contre les personnes. Pour moi, ces choses sont complètement distinctes. Les délits contre les choses, la propriété, etc., pour moi, ne sont pas des délits. Les délits sont produits par la société de classe dans laquelle nous vivons. Par contre, les délits contre les personnes, l'assassinat, ou essayer d'assassiner quelqu'un, ou blesser quelqu'un, ou ce type de choses, c'est vraiment un délit. Et là, il faut trouver une solution. Et pour l'instant, plutôt que la peine de mort, qui était toujours dans les sociétés primitives, la loi d'Italion, etc., si tu as tué quelqu'un, on tue quelqu'un de ta famille, on te tue, etc. La prison, c'est mieux que ça, mais ce n'est pas encore une solution. Alors, le problème, c'est de trouver une solution pour les criminels, pour les délits de sang. Oui, bah effectivement, je pense que il y a eu plein de choses qui ont été dites, donc j'ai plus grand chose à dire. Mais il y a juste certains points sur lesquels je voudrais qu'on insiste bien. C'est notamment pour la question du viol, pour revenir à ça, toujours cette question qui revient, les violeurs, les pédophiles, etc. La vraie question, je pense qu'il faut se poser, c'est à quoi sert la prison pour eux? Quel peut être le sens d'une peine de prison pour ces gens-là? À part être dans une loi du talion, qui en plus ne correspond pas, parce que c'est pas, voilà, on va jamais rendre à la personne qui a subi quelque chose. Mais la question doit vraiment être travaillée, voilà, sous l'angle de qu'est-ce que ça fait. Je pense par exemple que on pose pas la question de qu'est-ce qu'on peut faire pour les personnes pédophiles, parce qu'en fait on considère que ce sont des monstres. Et en fait, ce ne sont pas des monstres, ils ont commis des actes monstrueux. C'est deux choses complètement différentes. Et le truc, c'est que actuellement en France, on ne se pose pas la question de c'est quoi être pédophile. Il y a par exemple des pédophiles qui se revendiquent comme étant pédophiles n'étant jamais passés à l'acte. Et donc, il y a vraiment un travail à faire, en fait, honnêtement, j'ai pas de réponse à ça, mais il y a un travail à faire de notre part d'arrêter de considérer que ce sont des monstres, parce qu'à partir de ce moment-là, on ne peut pas réfléchir à comment faire pour... Enfin, il y a une déviance, elle est évidente, elle me choque, mais pour autant, cette déviance, si tu considères que c'est pas une déviance, tu peux commencer à étudier et voir comment faire pour que ça ne se produise pas, déjà, et qu'après ça ne se reproduise pas. Mais ça signifie, par exemple, il n'y a qu'une seule association en France qui a comme objectif de dialoguer avec les personnes pédophiles. quand ils ont une souffrance. Parce que être pédophile, c'est aussi une souffrance parce que tu es considéré comme un monstre. Et donc, je pense qu'il faut vraiment poser la question de... Enfin, réaccepter que ces personnes-là sont des humains et donc essayer de travailler là-dessus. Voilà. Et je pense que oui, il y a un manque cruel de travail là-dessus à cause de cette considération-là que ce ne sont pas des êtres humains. Et vu... Enfin, et donc, il y a nécessité de faire ce premier passage de non, ce ne sont pas des monstres, pour après, derrière, pouvoir commencer à y réfléchir. Et pour l'instant, il y a trop peu de réflexions là-dessus qui permettraient de trouver d'autres solutions que seulement la prison et tout ça. Voilà. Moi, j'entends bien votre distinction sur les choses, les objets et les gens, mais moi, je pense que ça n'a rien à voir avec l'histoire de la prison. Hein, c'est, on réfléchit à une autre société et on réfléchit comment on est ensemble et donc on n'est pas tous d'accord, on n'a pas tous la même vue de la société et il faudra accepter qu'il y a même des gens qui sont contre ce que nous on voudrait mettre en place et ça il faut le comprendre, il faut l'accepter et donc il y a quelqu'un à un moment donné, quelqu'un se fout en colère etc et tout et donc il va taper la personne ou alors parce que les crimes il y a toujours une motivation quelconque hein, d'un crime ou d'un assassinat. Et donc, ce que je trouve important, c'est d'où vient en amont de cette frustration. Moi, je pense que, bon, ça n'est peut-être pas le débat, mais les histoires de sexualité, il faut quand même regarder comment est faite cette société. Hein. C'est une injonction à la sexualité quotidienne et juste à côté avec des interdits de pouvoir vivre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, les gens, ils sont vidés, on est vite dépassé. Donc, c'est vrai que si on doit discuter de ça, c'est autre chose. Mais l'histoire de la prison, ça serait, moi, je trouve, dans ce débat, c'est qu'on soit vraiment conscient que... Moi, je m'en fous qu'elle serve à quelque chose ou pas, pas efficace. Il faut la supprimer parce que c'est quelque chose pour moi absolument impensable de prendre quelqu'un et de l'enfermer. C'est absolument impensable. Et ça, on le fait avec la justice. Et quand vous avez dit les mots délit, eh ben les mots délit, moi aussi, ça m'inquiète parce que ça veut dire que y a quelqu'un qui décide que c'est un délit hein, ou un crime et on passe par la justice. Et vous avez vu comment elle fonctionne cette justice ? Vous avez vu, c'est pas un hasard si c'est les pauvres qui sont en prison. C'est au nom de la République et au nom de la justice qu'ils y sont. Donc ça aussi, ça a réinterrogé de haut en bas. Ben, la prison, malheureusement, aujourd'hui, on sait comment son état et comment elle fonctionne. Déjà, le message qu'elle envoie à la société, il n'est pas vraiment respecté parce que dans les jeunes de nos quartiers, qui sont des gens que vous aimez pas trop parce qu'ils dealent en bas des escaliers, et ben pour ces gens-là, aller en prison, ben... C'est un message qui passe au quartier justement pour dire ils y sont allés. Ça devient une valeur, une reconnaissance. Donc, le message de la prison aujourd'hui n'est pas entendu comme beaucoup le souhaiteraient. Par rapport aux pédophiles, je ne sais pas comment les qualifier ces gens-là, mais va à Gare du Nord, va à Avenue Foch, ces gens-là qui cherchent des petits enfants en fugue pour satisfaire leur fantasme. Moi, je ne sais pas quoi en faire. Je serais bien plus vindicatif que toi là-dessus, mais c'est pas en force ou qu'on oblige, mais il y a des pays dans le monde pour pouvoir faire rentrer de l'argent dans leur pays, et ben le tourisme sexuel, dont les enfants qui subissent quand même la perversité de ces gens. Tu vois, si on veut parler de la pédophilie, ça va bien plus loin que le système répressif qu'on a en France. C'est comment pour leur dire bon ben voilà, tu fais un truc, c'est pas très sympa, tu vois, moi j'ai mon fils, il est là. J'ai pas envie que tu le sodomises, ça va lui faire mal et ça va pas me faire plaisir. Comment tu lui fais passer ce message ? Alors, on va peut-être simplement laisser un peu la parole à Victor pour ensuite redonner place au débat, mais voilà. Ok. Bon, la question de la pédophilie, c'est une question à part, je pense. Et là, le but, c'est vraiment de comprendre quel rôle joue la prison, etc. Donc, je vais revenir sur ça simplement. Pour dire deux mots, quand tu disais, moi ça m'intéresse pas de comprendre quel rôle elle joue. Voilà, si elle est efficace ou pas, mais moi je pense qu'en fait elle est très efficace dans son rôle. Et justement, il faut comprendre quel est ce rôle. Et ce rôle, je crois qu'on peut vraiment le comprendre en observant les trajectoires des gens qui sont dans les prisons. Et la façon dont en fait la prison sert à gérer un stock de population qu'on considère comme non insérable de toute façon. On met là-dessus un beau discours de réinsertion, etc., mais auquel personne ne croit vraiment et auquel aucun moyen n'est donné et derrière. Et donc on crée des carrières judiciaires qui commencent dès le plus jeune âge, qui commencent dans les foyers, qui commencent dans des trucs comme ça, et on trouve des gens comme ça qui font toutes des carrières, des allers-retours entre eux, le dehors, le dedans, et ça fait partie de leur vie. Et tu parlais de la fierté qu'il peut y avoir dans certains endroits à faire de la prison, mais je pense qu'elle rentre aussi dans ce système-là, c'est-à-dire que faire de la prison fait partie de certains codes, et donc gère aussi, permet une gestion de cette catégorie de la population, qui va toujours se retrouver dans ces marges-là, en fait. Et en faisant ça, du coup, la prison va... C'est pour ça que tous les débats sur les conditions carcérales sont des débats qu'il faut qu'on ait, parce que les conditions carcérales, aujourd'hui, sont inacceptables. Mais ce n'est pas une amélioration d'emprisonnement qui va changer quelque chose à ce qu'est la prison. Et ce n'est pas parce qu'on commence à mettre du confort dans les cellules, à mettre la douche dans les cellules, à mettre des cellules individuelles, à mettre des belles peintures sur les murs, ce n'est pas pour ça qu'on va rendre la prison plus intéressante, en fait. Donc ça, c'était important aussi de le dire. Autre élément, les peines dites alternatives à la prison, par exemple le bracelet et ce genre de choses-là, on nous les a vendues comme une alternative formidable, comme quelque chose qui arrêterait le tout carcéral, ce qui n'est pas faux, c'est-à-dire que c'est beaucoup mieux effectivement de mettre quelqu'un avec un bracelet que de le mettre dans une tôle, mais ça ne règle toujours pas le problème, parce que la personne avec son bracelet, elle est enfermée chez elle. Donc finalement, c'est mieux, évidemment, mais... Ben, c'est compliqué de travailler avec un bracelet, c'est très compliqué. Mais voilà, du coup, c'est quand même la prison chez soi. Et ce qu'on constate dans beaucoup de cas, c'est qu'en fait, les quelques mois pètent les plombs complètement et se trouvent à retourner en prison. Et en vérité, l'augmentation des peines alternatives n'a absolument pas signifié une baisse des incarcérations. Même les deux continuent de monter. Donc en fait, ça signifie juste un accroissement du contrôle sur des parts de plus en plus larges de la population. Donc voilà, en gros c'était ça un peu l'idée. Je crois que j'ai fait un peu le tour, merci. Et donc il s'agissait vraiment de se dire, bon, le problème que pose la prison, c'est le problème en fait de la gestion de certaines catégories de la population. Et en créant la catégorie du délinquant, la catégorie du pauvre délinquant qu'on enferme parce qu'il a agi mal, parce qu'on se retrouve toujours dans ce thème, effectivement, judéo-chrétien peut-être, de la punition, de punir celui qui fait mal, eh bien, on va simplement créer parmi les classes les plus pauvres cette idée qu'il y aurait les pauvres bons, ceux qui travaillent, ceux qui ferment leur gueule et qui sont des gens honnêtes, et puis il y aurait les autres, ceux qui ne ferment pas leur gueule, qui sont du coup malhonnêtes, qui font des choses mal, et du coup, eux, on les enferme, et ça crée comme ça une sorte de division, qui sert aussi à gérer une catégorie de population qu'on ne veut pas voir se soulever, pour des raisons évidentes. Et aujourd'hui, ça se matérialise dans les quartiers, je pense, hein, de façon la plus claire. Ou dans les banlieues, bah, y a les jeunes qui dealent et qui sont mal vus par d'autres, qui sont avec une valeur travail, de dire « ouais, mais nous, on bosse, on fait ça ». Et en fait, tout ce qu'on produit avec ça, c'est le calme. On produit le calme, on achète la paix sociale. Voilà. Bon, je ne vais pas monopoliser la parole plus longtemps, je ne sais pas s'il y a... Alors, pour la dame qui me demandait qu'est-ce que c'est un délit, alors je voulais donner la définition. Un délit, pour moi, c'est quand il y a une blessure ou une attaque à la peau de quelqu'un. Ça veut dire, si on blesse quelqu'un, si on tue quelqu'un, ça, c'est pour moi un délit. Ça veut dire que la société a le devoir de se protéger de ces gens. Si quelqu'un a tué un autre... On ne peut pas les laisser, ah oui, mais bon, tu es pauvre, bon, l'autre était riche, alors tu l'as tué, bon, c'est pas grave. Non, on ne peut pas faire ça. Il faut, oui, mais disons qu'il a tué quelqu'un, il a trouvé sa femme avec quelqu'un, il l'a tué, et il avait besoin de fric, il a fait un vol, et ça a mal tourné, il a tué quelqu'un, etc., etc., etc. Tant que tu n'as pas fait quelque chose contre la vie de quelqu'un, contre l'intégrité physique de quelqu'un, tu n'as pas fait un délit. Mais si tu fais ça, tu es un délinquant pour moi. Et il faut te mettre quelque part où tu ne puisses pas nuire à les autres gens, aux autres gens. Sinon, la base de la société s'effondre. Si je sors de chez moi et j'ai déjà 66 ans et je ne suis pas aussi fort qu'un jeune de 25 et j'ai peur, alors la société s'est fichue. Je m'en fous des crimes contre la propriété, parce que pour moi la propriété c'est un crime, ok, la propriété pour moi c'est un crime, mais pas, je m'en fous pas des délits contre les gens, ça veut dire les assassinats, la blessure, etc. Sur l'histoire de l'assassinat, moi, le jour où tous les militaires et les marchands d'armes seront en prison, et ils assassinent plus que le voisin. Alors d'accord. Donc la société en danger, moi je la vois pas la société en danger quand il y a des crimes individuels qui justement doivent se gérer par le fait de comment on gère cette société, pourquoi il y a des pauvres, des exclus, etc. Mais moi je pense que le mot délit, moi je venais sur le mot délit est un terme juridique. Donc moi personnellement j'utilise pas de terme juridique. Après l'atteinte aux personnes, moi je te dis, on commence d'abord par mettre tous les militaires, tous les fabricants d'armes, hein. Là les syndicats qui nous disent qu'il faut laisser les usines d'armement. Moi je suis sur Toulouse, hein. Toutes les nouvelles technologies extraordinaires, c'est pour tuer des gens, hein. D'une façon la plus sophistiquée du monde. Et c'est pas une ou deux personnes, c'est des millions de gens, hein. Et nous la France, on est en guerre depuis en Afrique partout, ça fait 25 ans hein, qu'on bombarde. Et ben pour moi c'est ça, la société est en danger par rapport à ces assassinats là. Alors monsieur, je réponds à votre question. Vous, de ce que vous parlez de la loi du talion. Vous parlez de la loi du talion. C'est-à-dire si moi, excusez-moi, si je tue votre fils, alors vous êtes appelé à me tuer ou à me faire condamner. C'est pas ce qui fera revenir votre fils. Je pense que le pardon est plus grand que la haine. Alors forcément, quand quelqu'un ôte une vie, non, moi je vais vous dire, c'est par rapport à ma culture, hein. Si quelqu'un ôte une vie, on cherche à comprendre pourquoi et le comment de la chose. Et par la suite, on peut juger cette personne. Croyez-vous que c'est en condamnant une personne qui a fait un délit que c'est ce qui va vous satisfaire dans votre vie? Non, ça ne fera pas revenir cette personne que vous avez perdue. Vous comprenez? Non, si, c'est pas qu'on ne fait rien. C'est pas qu'on ne fait rien. Moi, je pense qu'il faut changer la chose. La chose, c'est quoi? C'est-à-dire que celui qui a ôté la vie, si cette personne, on condamnait cette personne, par exemple, à 20 ans, et pendant 20 ans, si cette personne travaillait pendant 20 ans et vous versez 50% de ce qu'il avait par mois, je pense que ça allait vous satisfaire. Vous êtes tout à fait d'accord avec moi? Ou vous voulez qu'il soit condamné et que vous n'avez rien et que vous avez toujours votre même peine, le fait que vous n'avez pas cette personne que vous aimez? Oui, allô, on m'entend? En fait, moi, je pense que le débat entre punition et réconciliation, c'est un débat qui est ouvert, mais c'est surtout de quelle société on veut. De toute façon, quelqu'un qui fait mal, il faut quand même qu'il comprenne que la victime, elle a besoin. C'est dans ces trucs-là, il faut reconnaître les besoins des deux. L'un a besoin de se dire c'est une injustice et j'ai besoin de réparation. Ce qui a discuté maintenant, c'est la manière dont on fait les réparations. En fait, elles sont inexistantes. Moi personnellement, je m'étais juré de pas discuter sur la prison parce que voilà, ça fait à peine un mois que je fais plus de parloir. J'ai passé ma vie dans les parloirs, j'en ai marre. Mais c'est vrai que c'est un grand problème, hein. Moi, regarde Walid que tu connais, il a 32 ans, il a passé la moitié de sa 18 ans, à 32 ans, il a fait 18 ans de prison. Donc ça a changé quoi? Rien du tout. Là, il vient de sortir, si j'étais pas là, il était à la rue. Donc je te dis, t'étais dans un système qui produit le récidiviste et le problème en même temps pour répondre. Alors c'est vrai qu'il y a un besoin. La victime, elle a besoin de savoir, les familles de victimes, qu'on n'avait pas le droit de leur faire du mal. Et la personne coupable, elle a besoin, la société doit lui dire qu'il a pas le droit, il y a des limites, il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on peut pas faire. Aujourd'hui en France, la discussion, elle est même pas portée. Puisque on réussit même pas à faire en sorte que l'amendement existe, puisque la prison a deux rôles en France, la punition et l'amendement. Quand tu mets les pieds en prison, normalement on doit discuter de l'amendement. Il n'existe pas, il n'est pas mis en place, il n'y a aucune enveloppe. On parle de plein de amendements, ça veut dire que quand tu mets le pied en prison, déjà on t'excuse et on te réinsère, et ça ne fonctionne pas du tout en France. Donc attends, je ne t'ai pas coupé la parole. Oui, oui. Mais tu vas pas me pour. Bah, j'arrête de parler. Un homme qui parle sur une femme, ça se fait pas. Mais je ne t'ai pas coupé la parole. Attends, tu vas pas me prendre l'amendement. J'ai passé ma vie. On va simplement, voilà. Chacun peut intervenir et poser une question, mais l'un après l'autre. Hein, sinon, le débat est un petit peu compliqué. Est-ce que. Alors, attendez. Attendez. Attendez, calmez-vous. Chacun, voilà, levez la main et Madame, je vous rends le micro. S'il vous plaît, attendez, s'il vous plaît, calmez-vous. Chacun peut parler, mais chacun... Et écoutez-vous. Chacun peut parler, ne... Non, non. Mais justement... Elle apporte un élément très intéressant. Non, on est d'accord, madame. Et on lui coupe la parole. Non, mais c'est tout, j'ai pas pris la parole. Je suis complètement d'accord. C'est pour ça que je rappelle que, voilà, pour faire un débat, chacun parle. Non. Mais c'était pour couper. Excusez-moi, j'ai parlé avec mon frère là. Mon frère là, juste il explique par madame. Les madame, je crois qu'il est fâché. Je crois que les débats, c'est les communications, c'est pas pour les fâcher ou nerver ou quelque chose comme ça. Juste une remarque. Je suis complètement d'accord. Je voulais pas donc couper la parole. Qui est-ce qui veut poser une question? Oui, alors je pense que une personne portée coupable devrait normalement une personne portée coupable devrait normalement subir un amendement, comme le disait mon cher confrère. Alors, quel amendement? Très bonne question. L'amendement de la peine encourue. L'amendement de la peine encourue. Par exemple, si une personne a commis un crime, l'amendement qui lui sera imposé, donc imposable, sera celui de la peine encourue. Est-ce que vous me comprenez, monsieur? Vous me comprenez pas? Bon. En fait, moi, je pense que y a aussi un problème au niveau humain. C'est-à-dire que on est dans un système où les choses sont tellement institutionnalisées qu'on oublie l'aspect vraiment humain des choses. Et surtout, par exemple, chez les criminels, il y a le phénomène de la peur qui est quelque chose de très humain. Et on se rend compte qu'en fait, les criminels n'ont pas peur. C'est pour ça qu'ils font la chose. Alors que les gens qui respectent la loi, eux, ils ont peur. Donc il y a un déséquilibre qui est déjà humain entre des gens qui ont réussi à annihiler leur peur pour faire ça. Après, ils vont aller en prison, ce qui va encore plus enlever leur peur, puisqu'ils vont vivre des choses qui vont détruire encore plus leur peur. Et d'un autre côté, t'as des gens qui, ils ont peur. Donc il y a un déséquilibre aussi humain dans cette chose, quoi. Je pense qu'il faudrait regarder. Alors moi, j'aimerais aussi ajouter une chose, c'est qu'on parle beaucoup de la prison, c'est les faits, hein. Et il faudrait peut-être voir les causes. C'est là que je rejoins un petit peu l'éducation populaire, de ce système pyramidal qui nous pousse à être avides, cupides. On nous montre tous les jours à la télé, on nous parle d'apologie du terrorisme et des apologies de tout, j'en vois partout, hein. Des apologies au sexe, de l'apologie à l'appel de la richesse, de l'apologie à vouloir envie de femmes faciles, de porter des chaînes en or pillées à l'Afrique. Donc, si on essaie aussi de parler de la cause de ce système pyramidal, où il nous dit, ouais, on a tous une chance de monter en haut, ouais, mais il n'y a qu'une place tout en haut. Et tous en bas, on a envie d'avoir la plume du chef qui est en haut. Il faudra peut-être y réfléchir aussi, que c'est peut-être une des causes que les pauvres, attirés par la plume bleue du chef d'en haut, ils finissent. Oui, effectivement, et je crois que la prison joue une fonction là-dedans, en fait, aussi. C'est-à-dire que la prison, elle échappe pas à cette logique-là. C'est-à-dire qu'elle place... Enfin, si on regarde... quel est l'enjeu qui vont en taule aujourd'hui? C'est juste d'être riche comme les patrons du CAC 40, quoi. Et c'est la même idée, en fait, c'est la même logique, hein. Et du coup, sauf que eux, ils n'ont pas le droit. Ils ont le même idéal, la même logique, etc. Donc c'est bon. Mais je... Non, c'était par rapport à ce que je disais. Parce qu'en fait, tu disais tout à l'heure que... Oui, toi. Ah, pardon. En fait, tu disais qu'il y a certains gens, voilà, qui créent des crimes, mais qu'ils ont... En fait, ils n'ont pas peur. En fait, tout dépend des crimes. On va dire, tu as des gens qui sont dans la nécessité, voilà, bon, il faut qu'ils nourrissent une famille, tout ça et tout. Donc, voilà, ils vont au charbon, ils vont chercher l'argent là où il est. Mais après, tu as des gens qui créent des crimes. Après, il faut savoir si ils n'ont pas peur ou s'ils sont malades. C'est ça la question aussi qu'il faut se poser. malade ou pas, en tout cas, il commet des crimes. Il faut voir les choses en face. Il n'y a, pour moi, pas de crimes de propriété. Ça veut dire les vols et les autres choses, ce n'est pas pour moi des vrais crimes, c'est un produit de la société capitaliste dans laquelle nous vivons. Okay? Mais les autres choses, l'agression physique, les assassinats, etc., c'est autre chose. C'est vrai que les militaires tuent plus de gens que les assassins. C'est vrai. Mais ça, ce n'est pas une justification pour que moi, je commence à assassiner des gens. Ah oui, mais Pinochet au Chili ou je ne sais pas qui a assassiné plus de gens. Non, non, ce n'est pas ça. Alors, ce qu'il faut faire, c'est arrêter de se fermer les yeux. Il y a des crimes qui nécessitent l'emprisonnement des gens. Encore une fois, je crois que la dame qui a été coupée vous a répondu sur ça. C'est-à-dire, il faut distinguer ce qui est de l'ordre de la réparation pour la victime et de l'ordre de la punition pour le criminel. Et si on s'entête à penser qu'en mettant les gens hors de la société pendant un temps donné, puisque la peine de mort, on n'accepte pas. Ça, c'est un truc qui nous choque. Par contre, laisser quelqu'un en tôle pendant 30 ans et le faire sortir après avoir passé 30 ans dans une cellule de 9 mètres carrés, ça va pas choquer ça. Parce que on est censé lui donner une autre possibilité. Sauf que dans les faits, c'est pas ça. Et dans les faits, tout ce qui se passe, c'est qu'on met quelqu'un hors de la société pendant 30 ans, sans s'occuper de lui du tout. Et du coup, on se dit que comme ça, je sais pas, il y a eu une réparation de fait. Je vois pas quelle réparation a été faite par là. Je vois pas qui ça va empêcher par ailleurs de commettre des crimes. Je pense pas que ce soit lié. Et quand vous dites que seules les atteintes à la propriété sont produites par le système, j'en suis pas certain. Je pense que les pulsions d'agressivité qui peuvent se matérialiser par de la violence physique contre les personnes, dans une certaine mesure, sont aussi liées au système. À force de frustration sexuelle, de frustration économique, de frustration symbolique, ça peut tout autant amener à la violence physique contre des personnes. De la même, donc je pense que cette distinction, je comprends que ce soit plus choquant qu'on porte atteinte à des personnes qu'à des biens, mais je vois pas pourquoi ça devrait modifier la sanction qu'on envisage. Et surtout, si vous arrivez à m'expliquer que la prison a une fonction soit de dissuasion, soit de réhabilitation, soit de soins de la personne criminelle, moi je veux bien vous suivre, mais je pense que vous n'y arriverez pas parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Dans les faits, la prison est toujours dans l'ambiguïté de la sanction loi du talion qu'on refuse de lui faire porter parce que bon, on est quand même des gens civilisés, la loi du talion non, alors qu'en fait c'est ça pour la plupart des gens quand ils entendent qu'un mec qui a tué a pris que 10 ans de prison, ils disent oh là là, c'est dégueulasse. Mais pourquoi c'est dégueulasse? Qu'est-ce qui est dégueulasse là-dedans? Déjà 10 ans, c'est une peine énorme. 10 ans hors de la société, 10 ans privé de liberté. Et tout à l'heure, ce qui a été dit, je ne sais plus par qui, à propos du fait de dire priver quelqu'un de sa liberté est sans doute pas la meilleure façon d'envisager sa vie future. Je pense que c'est très vrai. Je ne vois pas comment priver quelqu'un d'un quelque chose d'aussi fondamental que la liberté pourrait aider à quoi que ce soit dans la satisfaction des victimes ou dans la dissuasion des éventuels criminels futurs. Voilà. Et je pense que la seule fonction que ça a, c'est une gestion. Mais déjà, il faut se demander pourquoi quelqu'un assassine quelqu'un d'autre. C'est la première chose. Moi, je ne peux pas vous répondre sur des effets. Il faut répondre sur des causes. De l'assassinat qui se produit, oui, ben voilà, il s'est produit. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense que déjà, il faut se demander pourquoi est-ce qu'il s'est produit. Pourquoi est-ce que cette personne a fait quelque chose? Sans doute que dans la plupart des cas, des soins seraient plus adaptés qu'une peine. Alors évidemment, ça pose après la question de la psychiatrie. Donc, il faudra aller voir nos collègues de psychiatrie debout, je sais pas, mais hôpital debout. Et en tout cas, voilà, c'est les hôpitaux psychiatriques sont parfois pas beaucoup mieux que les prisons. Donc, du coup, ça pose une vraie question. Ça pose une vraie question. Mais c'est pour ça que la question, elle est globale. Elle n'est pas centralisée. Et donc, ben, qu'est-ce qu'on fait? Oui, moi, je pense qu'il faut d'abord penser à une logique de soins, parce qu'il faut bien penser que cette personne-là, quoi qu'il arrive, va ressortir de prison, de toute façon. Et donc, on n'aura rien fait en l'ayant mis hors circuit pendant 10, 20, 30 ans. On n'aura rien fait avancer. Rien du tout. Enfin, si vous me démontrez qu'on a fait avancer un truc, moi, je... Au moins, on aura protégé les gens alentour. Mais je suis pas sûr que vous protégez grand monde, puisque vous les protégez pendant 10 ans, mais après, quand la personne sort, vous ne protégez plus personne. Ça protège rien. Je pense que ça va même aggraver certains cas. C'est la personne qui sort va être encore plus brutale que quand elle est rentrée. Eh oui. Alors, je sais pas si monsieur et ce monsieur se sentent en danger face à moi. Moi, j'y suis allé deux fois en prison. La première fois que j'y suis allé, pour raconter mon histoire personnelle, j'avais 15 ans. Moi, je volais pas pour avoir des chaînes en or autour de moi. Je volais dans les frigos et je prenais le chéquier pour pouvoir payer à l'euromarché de Sevran de la bouffe. Vous voyez ? Comme quoi, on n'y va pas tous pour forcément devenir riche ou ressembler au grand patronat, aux choses comme ça. Alors, est-ce que vous vous sentez en insécurité aujourd'hui face à moi ? Alors moi, quand je suis sorti la deuxième fois, j'ai été pour des choses un peu plus graves. Mais quand je suis sorti, ce qu'on m'a donné, on m'a lâché comme ça dans la rue, à la gare. Et puis on m'a dit, tiens, va, c'était la NPE encore à l'époque, le Pôle emploi n'existait pas. Va dans cette ANPE. Et j'arrive dans cette ANPE et qu'est-ce que je vois ? Ben, il n'y a que des gars qui sortent de prison comme moi. Il n'y a pas des gars, des gens de tous les jours quoi, qui vont chercher du boulot, qui subissent le chômage. Ça veut dire, même en sortant de prison, et ben, malgré que, entre parenthèses, tu as payé ta dette à la société, on te met encore hors de la société en t'envoyant dans un ANPE, enfin Pôle emploi aujourd'hui, spécialisé. Ça veut dire, toi, t'es, oh là, on ne sait pas trop si on peut te faire confiance encore aujourd'hui. On va te mettre avec des gens qui vont te surveiller à moitié. Il y a aussi tout ça, je pense, qu'il faut regarder. Il n'y a pas que l'effet répressif de la prison même, parce qu'à l'intérieur de la prison, il y a encore une autre loi. Si, par exemple, vu qu'on te retire tes droits civiques, tu te rebelles un peu parce que tu trouves qu'un maton, fait un truc que tu trouves qui est un peu dégueulasse, qui sort même hors cadre de son travail, hop, il va rentrer, tu vas te refaire juger, tu te prends 45 jours de mitard, 45 jours qui sont rajoutés à ta peine. Tu perds tes 7 jours par mois que tu avais gagné, si tu avais fait un an, donc tu avais gagné 3 mois de remise de peine. Tu les perds. C'est très... Voilà, faut penser à tout ça. Et qu'en prison, vraiment, bon, il n'y a pas que des innocents, il y a des salauds hein, qui ont attaqué des gens, qui ont tué, qui ont poignardé. Moi, j'ai un pote qui s'est pris 3 coups de couteau parce qu'il a refusé une cigarette. Bon, mais ce mec-là qui avait envie de fumer, moi, je me suis déjà vu avoir envie de fumer. Si on joue au jeu, on va pas se mentir pour tous les fumeurs. Quand tu as vraiment envie de fumer, que ça te gratte les veines et que tu demandes à un mec une clope qui te dit non, ben, des fois, t'as un peu, comme ils disent les jeunes, t'as le seum, t'as envie de lui mettre une cacahuète. Bon, t'es civilisé, tu le fais pas, mais voilà. Moi, ce que je voulais dire, c'est que il y a aussi, t'as raconté les conditions à l'intérieur, mais la dame qu'on a interrompue tout à l'heure, elle a parlé d'un truc important, c'est la double peine pour les familles et pour tout l'envie. Parce que là, et alors, en plus, faut pas faire de féminisme, hein, c'est pour les femmes, point barre. Parce qu'à 99,9%, c'est les femmes qui vont visiter les hommes, c'est les femmes qui vont visiter les femmes. Les hommes, bon, ben, soit si la femme est tombée, ou alors des fois, ben, ils s'y intéressent pas, c'est cette société qui est comme ça. Et donc, ces femmes-là, hein, elles subissent en effet, moi je pense, une double peine. Et là, où est la justice là-dedans ? Où est l'égalité ? Qu'est-ce que ça veut dire, ce qu'on fait subir à ces personnes ? Mais encore une fois, comme c'est 99,9% de pauvres, on n'en a rien à foutre. C'est ça aussi. Hein. Et je pense que les VIP qui sont enfermés ne subissent pas du tout les mêmes contraintes. Et ça pose la question de l'égalité dans cette société, c'est-à-dire qui mène le monde. Et c'est pour ça qu'on doit réinterroger la justice. Donc on peut pas s'appuyer sur quelque chose qui existe. Moi, je pense qu'il faut tout démolir. Et les prisons sont à démolir. C'est la première chose, parce qu'on ne peut pas admettre, hein, que on puisse enfermer quelqu'un. Moi, je sais pas si... Enfin, je parle au niveau théorique, dans notre tête. T'as fait une connerie, je t'enferme. Mais de quel droit ? De quel droit ? Parce que l'enfermement, quand même, il faut... Parce que en plus, quand on rigole là, il y a des gens qui disent « je passe ». Mais les longues peines, il y en a de plus en plus. Là, ils nous ont parlé pour les terroristes en disant « on va faire du 30 ans ». Mais ça existe déjà. Il y a des gens qui ont fait 40 ans. Georges Ibrahim Dalla, il sort pas, lui. Lui, c'est un prisonnier politique, parce que c'est en effet une volonté politique qu'ils ne sortent pas. Et Laurent Jacquin et plein d'autres. Mais ils ont fait. Et actuellement, vous avez une femme qui s'appelle Christiane Rebailly. Elle a fait aucun délit de ce que vous citez, vous. Aucun délit pénal. Elle est venue en parloir, elle a foutu la merde. Et depuis, elle s'oppose à l'administration pénitentiaire. Eh bien, elle est jugée. Hein, et ça fait 2 ans. Et on ne sait même pas si elle va, j'en sais pas où elle en est maintenant, si elle va arriver à sortir. Donc, de délit en délit, c'est délit, c'est uniquement parce qu'elle dit merde à l'autorité, merde à l'autorité pénitentiaire. Eh bien, avec ça, elle n'a pas fait de délit, elle est en prison. Hein. Donc moi je crois qu'il faut qu'on réfléchisse à ce système là et qu'il faut bâtir quelque chose, mais pas à partir de ce qui existe. C'est impossible pour moi. Ouais, je voulais juste dire que détruire toutes les prisons, il y a des dictateurs sanguinaires, que ça dérange pas de mitrailler tous les gens qui sont ici simplement parce qu'ils ont osé dire j'aime pas le dictateur, qui, à chaque fois qu'ils se sentent menacés, ils ouvrent toutes les prisons. Et franchement, je sais pas si ça fait avancer les choses dans leur pays d'ouvrir toutes les prisons. Je parle pas des gens qui sont là-bas simplement pour avoir fumé un pétard. Je parle des gens, comme on l'a dit, qui plantent quelqu'un parce qu'on lui a refusé une cigarette. Si vous voulez détruire... Non, non mais ce mec-là, s'il est enfermé quelque part, si vous voulez aller l'ouvrir, moi, tout ce que j'ai à dire, si un mec qui a planté 40 personnes pour une cigarette, si quelqu'un doit aller lui ouvrir la cellule, je vous propose d'y aller, madame. Justement. Mais, non, mais il faut être concret. Kadhafi a ouvert les prisons. Saddam Hussein a ouvert les prisons. La société, la population irakienne et libyenne se plaint de qui? Elle meurt sous les bombes de qui? Des gens qui sont sortis de prison? Non. Ouais, juste, enfin, je comprends pas trop cet argument en fait, parce que, enfin, ce qui nous intéresse, c'est pas la prison dans tel ou tel lieu, voilà, ou ce qui nous intéresse, c'est la prison en France et son rôle et sa fonction sociale dans le système capitaliste et comment elle c'est bizarre le mot capitaliste. Mais donc, je pense que oui, bien évidemment, la prison remplit une fonction différente en fonction des sociétés dans laquelle elle prend place. Et nous, la question qu'on se pose, c'est dans notre société à nous, et donc dans la société occidentale de manière générale, comment elle facilite la mise en place du capitalisme en mettant à la marge une certaine partie de la population, en divisant les pauvres entre ce que racontait Victor tout à l'heure, entre les pauvres travailleurs contre les pauvres qui gagnent leurs moyens de subsistance par des choses plus illégales, mais qui continuent d'avoir besoin de ça pour vivre. Enfin, voilà, quand on sait par exemple le le nombre de loyers d'HLM qui sont payés en billets, enfin en liquide, voilà, ça veut dire que l'argent de la criminalité, elle permet de faire survivre énormément de personnes, parce que dans la société dans laquelle on vit, ils n'ont pas d'autre choix que celui-là. Donc certes, la prison peut avoir d'autres fonctions à d'autres endroits et des gens ont pu utiliser et manipuler certains anciens délinquants et tout ça. Mais enfin, je comprends pas trop par rapport à quel est le débat ici en fait, parce que oui, parce que la prison en Chine, c'est pas la même prison ou la prison en Russie ou la prison à Cuba ou la prison Guantanamo aussi, où là c'est vrai que c'est pas non plus un truc économique, voilà. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est pourquoi actuellement en France il y a 70 000 personnes qui sont incarcérées alors que il y a encore 20 ans il y en avait 35 000 ou 30 ans il y avait 35 000 personnes, pourquoi il y a l'équivalent de la ville de Bordeaux qui est surveillée par la justice, pourquoi on a besoin de ça? Et ben en fait on se rend compte qu'on en a besoin pour faire fonctionner le capitalisme. Pour en revenir à ce que disait le collègue par rapport à ça, alors il y a beaucoup de gens qui finissent en prison, qui viennent des classes populaires, on le sait, des gens pauvres et tout ça, ils ont trouvé que la solution de la malhonnêteté pour pouvoir gagner un peu de pépette et aller chez McDonald's ou je sais pas où. Et arrivés en prison, on leur propose un travail. Hein? Mais pour qui? Pour Citroën. Moi, j'ai travaillé pour Citroën en prison. J'étais payé à la pièce. 2 centimes, 1 centime. Mais à l'extérieur, quand je dépose un CV chez Citroën, ils me disent qu'ils n'ont pas de boulot. Voilà, petite parenthèse. Écoutez bien, tout ça, je suis complètement d'accord sur la fonction de la prison dans la société capitaliste. Je suis tout à fait d'accord, c'est maintenir la population qui est majoritairement des pauvres et complètement dans l'esclavage. Parce que ce que tu faisais pour Citroën, c'était un esclavage, 1 centime, voilà. Voilà. Alors, le truc, c'est pas ça. Ce que je veux dire, dans une société différente, dans une société où il y a une démocratie, dans la société que nous voulons, qu'est-ce qu'il faut faire avec la déviance et avec la violence, comme par exemple les assassinats, les blessures, ce type de choses. Je ne parle pas des crimes de propriété, mais je parle des crimes, les vrais, sur les personnes. Alors, pour moi, il n'y a pas une autre alternative, parce qu'on ne va pas instaurer la peine de mort, on ne va pas instaurer la prison à vie, que mettre ces quelqu'un quelque part pour un certain temps, sûrement pour les soigner. Tu comprends? Mais on ne peut pas dire simplement, ah oui, t'as tué quelqu'un, bon, c'est grave, oui, mais ne le fais plus, va-t'en. Non, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas. Alors, ce qu'il faut faire, c'est le mettre quelque part où il peut être soigné, où il sort seulement quand on est sûr qu'il ne va pas recommencer, tu comprends? Mais ça, c'est pas les prisons en France actuellement. Non, ce n'est pas du tout la prison en France actuellement. Mais je dis, dans la société que nous voulons, il faudrait quand même s'attaquer au problème des gens violents. D'accord? Et ça, il faut le faire avec une certaine humanité. Ça veut dire, on ne peut pas les assassiner non plus. Il faut les garder quelque part. Et c'est tout ce que je veux dire. J'accepte complètement votre analyse sur la prison et la fonction de la prison aujourd'hui. Ça, là-dessus, il y a pas mal de gens qui alors, pour trouver les solutions, non, mais en tout cas, il y a pas mal de gens qui disent que, globalement, ce que vous décrivez, il y aurait 3000 personnes en France actuellement, pour lesquelles il y aurait une déviance qu'il faudrait soigner. Je ne sais pas si le terme soigner pour une déviance est le bon terme, mais voilà. Et donc, après, derrière, c'est le moment, c'est à partir de ce moment-là où il faut qu'on réfléchisse, mais on ne peut pas penser l'abolition de la prison sans penser à un changement de la société. Et donc, ça signifierait que, enfin, quand tout à l'heure vous décriviez un meurtre à la suite d'un braquage et un truc comme ça, c'est des crimes qui n'auraient plus lieu dans une société qui aurait évolué ou voilà. Et donc une déviance, certes, il faut la soigner. Enfin, la soigner. Je sais pas quel. Oui, il faut faire quelque chose. Mais soigner, ça veut dire que t'es un cas clinique et tout ça, et voilà, et que t'es une maladie alors que tu restes qu'un homme qui a eu une vie différente de la tienne. Enfin, et pourquoi? Bah oui, non, mais enfin, pourquoi moi j'ai pas de pulsion meurtrière ou de pulsion autre qu'un autre une autre personne a. Enfin, je veux dire, c'est la personne reste un être humain en face, et donc après c'est derrière, c'est à ce moment-là, et là quand on rencontre des moyens qui sont mises en place pour enfermer 70 000 personnes et contrôler 250 000 personnes. Si tous ces moyens-là, on les réallouait à traiter la déviance, c'est peut-être mieux que soigner, adapter. Adapter, c'est un bon terme. Merci. Là, à ce moment-là, on aurait les moyens de réfléchir, on mettrait des vrais moyens, et si on utilisait cette manne financière à ça, pour réussir à faire un truc beaucoup plus humain. Et nous, c'est ça qu'on dit, c'est que des déviances, enfin, on dit pas du tout qu'il y aura plus de déviances. Ce qu'on dit par contre, c'est que c'est risible, c'est moins de 1% des personnes qui sont enfermées actuellement en France pour des vrais problèmes qui ne sont pas liés en fait à la société capitaliste dans laquelle on vit. Et je pense que c'est deux choses différentes, quoi. Et que, à mon sens, personnellement, si on se retrouve à enfermer plus que 3000 personnes en France, ce sera une quasi-abolition de la prison, vu où on en est actuellement. Un spectacle de claquettes. Non, mais je crois que tout a été dit, en fait. Hein. On a fait un peu le tour, en tout cas, de ce qui... Non, encore un mot. Non, moi, je voulais juste qu'on a l'occasion, là, je voulais vous parler d'une lutte qu'on a beaucoup soutenue ici à la commission Prison par Terre. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, parce qu'on a fait quelques interventions en AG à ce sujet-là. C'est les femmes à Fleury-Mérogis actuellement, où, en fait, ils ont appliqué même, ils leur ont sucré une heure de promenade par jour. Donc, il faut savoir qu'avant, il y avait une heure le matin, deux heures l'après-midi. Et sous une excuse complètement bidon de la mise en place d'un logiciel de gestion de la détention et tout ça, il ne passe plus qu'à deux heures, donc ce qui est le taux légal. Voilà, alors qu'avant il y avait ils avaient réussi à gratter un truc un peu plus agréable. Voilà. Donc elles ont commencé à faire des refus de remontée de promenade en disant, pour lutter, elles ont mis des affiches, des banderoles et tout ça en promenade et tout ça pour se mettre en grève. Elles ont fait des refus de plateaux et tout ça, voilà. Et enfin, donc elles ont réussi à lutter comme ça pendant 2 semaines. Et là, directement, l'arsenal répressif de l'administration pénitentiaire s'est mis en place. Et aujourd'hui, sont passées en commission disciplinaire 4 des personnes qui ont participé au mouvement. Ils ont été 40 voire 50 à avoir participé au mouvement. Et bien sûr, on prend 4 têtes de Turcs. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est que donc elles viennent de récolter toutes les 4 2 semaines de mitard. Donc le mitard, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est la prison dans la prison. Donc où tu as juste une radio, tous tes meubles sont scellés, qui se rajoute à ta peine, ça je ne suis pas sûr. Si. Ok. Oui. Alors après voilà, il y a eu parmi les. Et donc voilà, nous ce qu'on a essayé de faire à la commission, c'est essayer de les soutenir. On n'a pas beaucoup de moyens d'action de l'extérieur. On a fait des rassemblements devant la maison d'arrêt 2 fois. Voilà, après le premier rassemblement, il y a eu un changement de discours de l'administration pénitentiaire. Là, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on fait signer une pétition dont j'ai un exemplaire dans le sac et tout ça. Donc si vous voulez, on peut se retrouver à la fin pour la signer et tout ça. Et aussi, ce qui est hyper important, c'est on sait que ce que déteste l'administration pénitentiaire, c'est qu'on entende parler à l'extérieur de ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, si vous avez l'occasion, sur Paris Lutte Info, il y a toutes les informations, vous tapez Fleury et vous allez très vite tomber sur toutes ces informations là. Et s'il vous plaît, diffusez l'information, faites-en parler, faites en sorte que les gens écrivent au directeur de la maison d'arrêt des femmes. Et voilà, et si vous voulez, nous on pourra continuer à en parler avec vous, on continuera à en parler sur la place et tout ça. Mais c'était juste pour dire que voilà, aussi les personnes qui sont à l'intérieur, là on en a parlé de manière un peu abstraite sur quelle était la fonction de la prison, ça brise des gens actuellement qui sont en train de lutter, et je pense que c'est tout le rôle d'un mouvement comme Nuit Debout de soutenir toutes ces actions. Voilà, et donc à nous de continuer à essayer d'en parler. Là, il y aura la pétition, on va se mettre là. Voilà, et voilà. Je voulais ajouter aussi que il existe tout un réseau de radios associatives et locales dont moi je fais partie sur Toulouse qui s'appelle Bruit de Tôle, et vous avez sur Fréquence Paris Pluriel aussi, et renseignez-vous sur internet. Moi je pense que la radio c'est très important parce que on peut toucher des gens qui sont pas immédiatement concernés par la prison, parce que bon, ceux qui sont passés ou ceux qui accompagnent, on peut savoir de quoi on parle, mais moi je trouve qu'il faut absolument informer ce que vous appelez les citoyens, hein, de ce qu'on fait en leur nom. Hein, en notre nom, soi-disant, hein, ce qu'on fait dans une société démocratique, hein, quels sont les budgets qui sont votés. L'histoire de Fleury aussi, il faut savoir qu'à Marseille, ils l'ont fait. Hein. Alors, c'était pas un logiciel, c'était pour des travaux. Mais ça s'appelle la restructuration avec un peu moins de personnel. Ce qui est faux, puisque à Fleury aussi, pendant qu'elles étaient en promenade, on se permettait de faire des fouilles systématiques des cellules et des choses comme ça. Donc, ce que je pense qui est important, c'est pas tellement de parler des conditions, mais de savoir qu'est-ce qui se fait aujourd'hui, hein, dans cette société où on nous dit qu'on est de plus en plus moderne, où on réfléchit à plein de choses soi-disant intelligentes, et comment on continue à maintenir un système aussi archaïque, aussi humiliant aussi. C'est très important de le dire. Donc moi, je trouvais que les radios associatives, partout en France, n'importe où vous êtes, il y en a au moins une qui, une fois par semaine, vous donne des infos. Voilà. Juste pour ajouter, donc il y a sur Paris Fréquence Paris Pluriel, donc c'est tous les vendredis soirs de 19h à 20h30, et il y a sur Radio Libertaire, et donc ça c'est le mercredi, et si je me trompe pas c'est de 18h à 20h, mais voilà, donc sur Paris, et donc il y a des messages pour les proches et tout ça, mais c'est vrai qu'il y a ça partout en France, à Rennes, voilà, à Saint-Étienne, enfin voilà, il y a partout. Et dans le sud, et partout, enfin de toute façon, voilà quoi. Mais Radio Liberté 89.4 et 106.3 pour Paris Fréquence Pluriel. Fréquence Paris Pluriel, pardon. Mais voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent rajouter des choses, tout ça? Écoutez, nous on va se mettre là-bas avec la pétition si vous voulez. Et puis n'hésitez pas à venir discuter. Là il pleut et tout ça, donc on n'a pas de stand. Mais on a commencé à écrire des tracts et tout ça. Et nous l'idée c'est que voilà, on veut dialoguer un maximum avec tout le monde. Et on se réunit pour discuter des actions à venir et tout ça, les lundis et jeudis à 19h juste derrière la statue. Et donc vous êtes bien évidemment les bienvenus. Et merci à la commission éducation populaire pour l'accueil et tout ça. C'était déjà chouette jeudi dernier, c'est chouette aussi ici.